بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم واكتفهم بعد, فإن استقى الحديث كتاب الله وخير هدي هدي وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, توقفنا برؤوس الطغاوت. فقال رحمه الله تعالى لفدي الطاغوت عام كما نعرفه. قال: فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله, قال فهو طاغوت. نعم, كما قال رحمه الله بالضابط avec cette norme là, وهو راضي, et il agrée cela, il agrée d'être adoré, il agrée d'être suivi en dehors de Nabi صلى الله عليه وسلم, il agrée d'être qu'on lui obéisse en في معصية الله سبحانه وتعالى, فإن فعل ذلك هذا يسمى طاغوت, هذا يسمى طاغوت. نعم, comme on a pu voir avec le montant, ce qui obéit à une autre personne, si jamais c'est dans toute chose yani, qui proclame, qui dit et qui fait, on a pu voir c'est un aqid min awaqid l'islam. Mais si jamais c'est dans certaines choses et il sait qu'on doit obéir à Allah Azza wa Jalla, qui ne désobéit à cette personne-là? Il obéit à la créature et désobéit au créateur, à Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à si jamais il a fait que c'est une bid'a, on dira bid'a. Si jamais c'est une un coffre, on dirait que c'est un coffre. Ok, ma kunna ta'out, c'est pour une personne dont, yani, on a pu voir, c'est, si jamais c'est une habitude, hein, si jamais c'est une habitude chez lui, ce genre de choses-là. Qala rahimahullah ta'ala, qala al-awwal, qala al-shaytan ad-da'i ila ibadati ghayri Allahi azza wa jal. Al-shaytan ad-da'i ila ibadati ghayri Allahi azza wa jal. Celui qui appelle à l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a pu voir, l'adoration, c'est pas seulement de faire des soujouds ou bien d'implorer une personne. Kazalika, comme on a pu voir avec la parole de Sheikh, si jamais il suit une autre personne, et kazalika il obéit à une autre personne, fahada, ça fait partie des ibadat. Ça fait partie des choses dont Allah subhanahu wa ta'ala aime et agré et a demandé qu'elles soient faites, yani, selon l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa, c'est des ibadat. Al-ibadat, c'est pas seulement le soujoud ou le ruku'. Yani, il y a d'autres choses. Min dhalika al-mutaba'a wal-ta'a. ومن ذلك المتابعة والطاعه. نعم, فالشيطان هو يدعو الى كل عباده غير الله عز وجل, سواء كان في المتابعه لغير النبي صلى الله عليه وسلم او كذلك في طاعه غير الله ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم. دونك lorsqu'il dit ibada, on pense pas yani forcément que ce sont les sujoud ou bien ad-du'a. Ça englobe yani toute ibada, toute chose dans Allah subhanahu wa ta'ala il aime et l'agré, min aqwal wal afhal adh-dhahira wal batina, comme on a pu voir dans تعرف العبادة, فهو عام, سأعام من السجود وغير ذلك. نعم, وقال الشيطان, والشيطان c'est un اسم جنس. Lorsqu'on dit شيطان, c'est pas إبليس. إبليس من الشياطين, لكن الشيطان c'est comme tu dis الإنس, يعني الإنس, يا آدم يا محمد يا يعني الخلق. فالشيطان, لكن lorsque c'est évoqué comme ça من باب يعني الإطلاق الشيطان, يعني c'est, on peut dire ce sont لقب, ce sont surnoms. Vu que c'est Ru'us al-Shayatin, c'est la tête des Shayatin. C'est pour ça que des fois on l'appelle directement comme ça Shaytan. Wa'il al-Shaytan, c'est un wasf, yani, ça vient du verbe Shatana. Shatana bima'na ba'uda. Shatana bima'na ba'uda. Wal-ya al-Zaïda. Shatana bima'na ba'uda fi al-Lugha al-Arabiya. Shatana al-Dar. Shatana al-Dar bima'na ba'uda. Al-Dar ba'uda, elle est éloignée. Fa, soumya bidhalika hawla. Ils sont loin et distants de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les shayatins, il y en a parmi les djinns et parmi les ins. Qala subhanahu wa ta'ala fi surat al-an'am, le verset 112. Qala wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-ins wal-djinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrif al-qawli ghurura. Et dit Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ainsi que nous avons placé à chaque nabi un ennemi parmi les shayatin des djinns wa kadhalika min al-ins. Donc ça montre que shaytan c'est pas iblis, c'est un wasf. Al-insan kadhalika, celui qui est fi ma'siyatillahi azza wa jal wa huwa mulazimun li dhalika, on peut dire que c'est un shaytan parce que al-an ba'ada min ta'atillah, il s'est écarté de l'adoration d'Allah et de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa shaytan, c'est un wasf kama tara fi hadhihi al-ayat. فالشيطان هنا المراد بذلك إبليس. تام. إبليس سمأخوذ من بلسة. بلسة c'est la désespérance. C'est le fait de désespérer. Parce que cette personne-là, il n'a plus espérance de rentrer au Jannah. Il n'a plus espérance de rentrer au Jannah. Naham. Fazalik asum ya iblis. Naham. Fa shaytan hauna sa laqab. Là, ce qui est voulu par ici, c'est al-shaytan al-akbar. Naham. C'est-à-dire iblis. قال رحمه الله تعالى قال الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله عز وجل قال والدليل قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألم أعهد بمعنى ألم أوصي لكم ألم أوصي لكم يعني سي من الوصية لاحظ هنا بمعنى الوصية أن الله سبحانه وتعالى أوصى لبني آدم أن لا يعبدوا الشيطان لماذا قال إنه لكم عدو مبين فالعهد هنا بمعنى الوصية كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى dans son tafsir بمعنى الوصية الوصية هي الأمر كما قالوا المؤكد الذي يجب أو ينبغي الالتزام به يعني الوصية هي un ordre يعني qui est appuyé un ordre يعني qui est vraiment ferme qui est plus que ferme et il s'en doit à toute personne de l'accomplir. فقال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين والعبادة هنا بمعنى الطاعة. Ça c'est la parole de Hammat al-Mufassirin. La plupart de ceux qui ont fassar cette ayah, ils ont fassar العبادة أن لا تعبدوا الشيطان بمعنى أن لا تطيعوا الشيطان. Il y en a assez peu ceux qui se prosternent pour الشيطان ou bien qui invoquent الشيطان. لكن l'adoration de الشيطان ça passe par l'obéissance. Ils obéissent à Shaitan, ils obéissent à l'arbre service. فَالْعِبَادَ هُنَا بِمَعْنَ الطَّاعَ أَلَمْ أَهَدِ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ أي أَنْ لَا تُطِيعُوا الشَّيْطَانَ هذا هو قول عامة المفسرين قالوا المراد بالعبادة هنا بمعنى الطاعة بمعنى الطاعة ولا جوتي الإمام السعدي رحمه الله تعالى que cette آية لا في الحقيقة c'est un توبيخ c'est une réprimande قال رحمه الله قال هذه الآية توبيخ عن جميع أنواع الكفر والمعاصي. C'est pas forcément يعني الكفر يعني qui est voulu ici. لكن de toute désobéissance, تمام؟ Qu'elle soit une désobéissance يعني qui est akbar, c'est-à-dire الكفر, ou bien une désobéissance qui est أصغر, c'est-à-dire من المعاصي من البدع والفسوق وغير ذلك. فقال هذا توبيخ لجميع المعاصي. فcelui qui désobéit Allah سبحانه وتعالى, il a certes obéi à Shaitan. Celui qui désobéit Allah Azza wa Jalla, certes obéit à Shaitan et à son nafs, al-ammaratun bisu. Al-ammaratun bisu. Parce que c'est lui qui appelle à cela. C'est lui qui appelle à la désobéissance. Naham. Alla ta'budu shaitan. Ma huwa dhalika al-shay ladhi yad'u ilayhi shaitan min al-ibadah ta'ha. Kama fi al-ayat al-ukhara, qala Allah subhanahu wa ta'ala hikayatun an shaitan. Wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'd al-haqq. Le verset c'est le 22 de sourate Ibrahim. Wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'd al-haqq. Qui est le jannah pour celui qui lui obéit. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kadhalika je vous ai promis. J'ai mis des choses et c'était que du mensonge. Qala wa ma li 'alaykum min sultani. J'ai aucun pouvoir pour vous illa an da'awtukum fastajabtum li. Donc il montre bien que يعني son vice c'est qu'il nous appelle à désobéir Allah Azza wa Jalla comme قال هنا وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. J'avais aucun pouvoir sur vous, mon seul pouvoir c'était de vous appeler et vous m'avez répondu. قال فلا تلوموني ولوموا انفسكم. Ne me réprimandez pas et réprimandez vos propres personnes parce que c'est vous qui avez répondu. ما انا بمصلحكم وما انتم بمصلحي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. Comme il a bien évoqué que c'est du shirk هنا. اني كفرت بما اشركتموني من قبل. Le fait de même Allah عز وجل l'évoque dans une autre ayah افرايت من اتخذ الهه هوا. Le fait de suivre يعني دائما sa passion, c'est comme si jamais tu l'avais pris comme divinité, c'est-à-dire que tu lui obéis à tout ce qu'elle te demande de faire. الناس الان الذين يعني للعصاة ceux qui sont mulazim fi dalika, ils ont pris leur nafs yani comme et leur passion comme ilah, parce que tout ce qu'elle leur demande de faire ils le font. Comme le muslim yani se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ses ordres et ses interdictions. Tu peux appeler kadhalika min bab at-tawbih que ta'atu an-nafs yani ça fait un peu partie du shirk, lakin c'est pas le shirk asghar ni le akbar. على حسب يعني على حسب الطاعة على حسب الطاعة لكن لا personne qui fait que obéir à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou à sa personne, à son hawa, c'est comme si il avait pris son nafs ou bien sa passion comme il a, comme il a dit subhanahu wa ta'ala fi al-ayat al-ukhra afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa, vois-tu celui qui prend sa passion comme divinité. Naam. Fa al-murad bil ibada huna bi ma'na at-taha. Naam. Fa shaytan la shak wa raya fi sa ra's al-batil wa sa ru'us at-taghawit, celui qui est la base de tout mal, celui qui est la base de tout mal, la shak wa la rayba fi. Qala wa ath-thani qala al-hakim al-ja'ir المغير لأحكام الله تعالى الحاكم لو غوفرنر الجائر بمعنى الظالم المغير celui qui modifie لأحكام الله تعالى فهذا كذلك من التغابت يعني si jamais c'est un aspect qui est ملازم له c'est une habitude chez lui de changer l'ahkam تمام de changer l'ahkam il juge par une autre loi qu'Allah سبحانه وتعالى والمراد بها هنا c'est celui qui invente يعني des jugements comme ceux مثلا qu'ils ont inventé la démocratie ila akhirih fa hada hawala mughayyirun, ils ont remplacé le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala par un autre jugement, la démocratie ou bien autre ceci cela, yani tout qawanin, toute loi qui est en dehors d'Allah azza wa jall, c'est un taghyir, c'est une modification, parce qu'Allah azza wa jall il a jugé de toutes choses comme qala subhanahu wa ta'ala ma farratna fil kitab min shay, on n'a rien négligé dans le kitab, tam qala subhanahu wa ma ikhtalaftu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Et si vous venez à diverger dans n'importe quelle chose, le jugement est dans le kitab. Le jugement est dans le kitab. Le hukm, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. فقال ودليل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم. Fa, il a évoqué, rahimahullah ta'ala, une ayah qui est descendue sur des personnes qui jugeaient par autre que le jugement du prophète, alayhi salatu wassalam. Naham. Et cette ayah-là, faut savoir que c'est une choubha que prennent les takfiriyin, yani ahlul khawarij, et ils jugent, yani par cette ayah-là, que celui qui juge par une autre loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala et d'autres, kadhalika min al-ayat, que c'est un kafir, c'est un tarout, donc le fait que c'est un tarout, c'est un kafir. Naam. Alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-tagut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytan an yudillahum dalalan ba'ida. Naam. Fa ils ont pris cette ayah là pour prétendre que celui qui juge par une autre loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala sans yani tafsil, que c'est un kafir billahi عز وجل وفي الحقيقة قصة آية له سن حجة كي عليهم بس كي دل آية دي الله سبحانه وتعالى قال يريد أن يتحاكموا إلى الطاغوت والإرادة هنا بمعنى الميل تام c'est-à-dire que il y a un tafdil تام يريد أن يتحاكموا إلى الطاغوت يعني il a un mail c'est-à-dire il a une préférence تام vers le fait de juger par une autre loi qu'Allah سبحانه وتعالى on a pu le voir. Toute personne qui juge par une loi autre que celle d'Allah et Azza wa Jal, bitafdil, c'est-à-dire qui prétend qu'elle est mieux, t'aimes cette loi-là, que celle d'Allah et Azza wa Jal, ou hatta bitasawi, c'est-à-dire qu'il prétend que sa loi elle est aussi juste que celle d'Allah et Azza wa Jal, ou bien qu'il pense qu'il a le droit, t'aimes de juger par une autre loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il prétend que, mathalan, la loi d'Allah, c'est la meilleure, et que la loi qu'il a inventé, allait d'où nadalik, allait en dehors de cela, lakin, il voit qu'il a droit de juger, on a pu voir que ça fait partie de la mécréance, yani du kufr. Al-akbar, la ziyukhri sahibahu, min al-milla, fal-murada hauna yuridu, es-al-mail. Tam, c'est la préférence. Tam, al-mail, c'est bimahna tafdil. In il-hukmu ila lillah, wa qal subhanahu wa ta'ala, afa-hukma al-jahiliyati yabugun, wa man ahsanu min Allahi hukma al-liqami yuqin, comme on a pu voir. Est-ce que c'est le jugement de la jahiliya qui recherche? Et qui est meilleur qu'Allah subhanahu wa ta'ala en jugement pour un peuple qui a la certitude? Naam. Fa al-murad huna bi al-irada, c'est celle bi ma'na at-tafdil. Naam. Bi ma'na at-tafdil. Lorsqu'Allah dit alam tara, qala hada khitab muwajjah li nabi sallallahu alayhi wa sallam ta'ajjuban. Ta'ajjuban, lah, excusez-moi. Ta'ajjuban minhu. Tam alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka. Hada al-khitab, alam tara, c'est يعني النبي صلى الله عليه وسلم qui a visé dans ce khitab-là. Allah Azza wa Jal lui fait le discours. Il s'étonne, il y en a de ces personnes-là qui ont la foi en Allah Azza wa Jal, et malgré cela, ils se détournent, il y en a du jugement du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et ils cherchent un autre jugement. Ça, c'est min ayat al-munafiqin. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِدٌ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. فالله عز وجل a évoqué dans cette ayat dans Sourate An-Nur que Al-Munafiq, lorsque le jugement il est contre eux, ils se détournent du kitab et de la sunnah. Lakin, lorsqu'ils vont voir qu'un jugement il est favorable à leur passion et qu'il est dans le kitab de la sunnah, ils vont revenir, ils vont se soumettre au kitab et à la sunnah. Donc ils le prennent l'année quand ils veulent. Ils le prennent quand ils veulent. Ils ont évoqué Rahona que ça c'est qabih fil insan, celui qui prétend la foi, il prétend la foi au kitab et Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque ce même kitab à qui il a prétendu la foi il juge contre lui, et ben là ils sont détournés. C'est quelque chose qui est mutahajjab, qui est étonnant. C'est-à-dire qu'il a dit alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu. يعني هؤلاء في أهل الكتاب يريدوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت malgré qu'ils avaient la foi en ton kitab ou kitab qu'ils avaient qui était comment s'appelle révélé précédemment. قال وقد أمروا أن يكفروا به. On doit mécroire comme on a pu voir à toute comment s'appelle désobéissance. فما يكفر بالطاغوت comme on a pu voir نعم par rapport à cette ayah là. فما يكفر بالطاغوت, le kufr بالطاغوت comme on a pu voir avec l'explication des أهل اللغة et des ulama que الطاغوت c'est le bâtil dans le sens général. Allah Azza wa Jalla nous a demandé de mécroire au batil. Et le batil, c'est la mécréance, c'est-à-dire al-sagira, c'est al-kabira, c'est al-bid'a, c'est al-fisq, al-fujur, wa al-kufr, wa al-nifaq. Yani, toute chose qui est contraire au kitab et à la sunnah. Toute chose qui est contraire au kitab et à la sunnah. Fa yuriduna an yatahakamu ila al-taghut et ila al-batil. C'est-à-dire que l'an, c'est pas forcément, lorsqu'on dit yatahakamu ila al-taghut, c'est-à-dire il revient au jugement du taghut, c'est pas forcément que ça le fait sortir de l'islam. Parce que At-Tarut, c'est un ismun qui est quoi, qui est âme, qui englobe tout batil. Dans le batil, ça peut être une chose qui fait sortir de l'islam ou pas. Donc, il y a dit prendre juste l'ayah, comme l'ont pris, ces personnes-là, Mme Khawarij, prendre cette ayah et la restreindre à la mécréance, c'est restreindre, le sens général du mot Tarut. Et c'est faux. C'est faux. قال وقد أمروا أن يكفروا بي ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم. Toute même désobéissance, c'est un égarement et c'est un chemin qui emmène à l'enfer. كما قال سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Et celui qui désobéit Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète, il aura l'enfer comme demeure éternelle. Les ulama ont dit la mécréance plutôt la désobéissance ici, ومن يعص الله. Ils ont dit c'est le shirk, tout ce qui fait sortir de l'islam. Ils ont évoqué que la ma'siyahuna c'est celle qui fait sortir de l'islam. Et d'autres ulama ils ont dit al-aya al-amma, l'aya wa ma'siyallah wa rasulahu, elle est générale. Elle englobe al-ma'siyah al-saghira wa allati tukhrij sahibahu min al-islam. Et ils ont dit ça c'est un dalil qui nous montre que la petite désobéissance elle n'est pas à prendre à la légère, parce qu'elle peut t'emmener à la grande désobéissance, à celle qui fait sortir de l'islam. Comme on a pu voir avec le hadith. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محقرة الذنوب. Prenez garde de mépriser les péchés, les petits péchés, parce que c'est comme un bois avec un autre bois que tu réunis, ensuite ça fait un grand feu. وتحرق صاحبه. فلا désobéissance كما قال هنا يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Revenir au tarot qui est le batil, ça va t'égarer. Pourquoi? C'est parce que c'est une désobéissance. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال العلماء المعصية بريد الكفر. Ils ont dit المعصية, la désobéissance, c'est une voie, c'est un accès à la méchance. Cette ayah là, tu peux la comprendre de deux manières. Si jamais elle en يريد بمعنى التفضيل. Lorsqu'il dit Allah عز وجل ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون هنا يريدون. Si jamais l'irada بمعنى الميل, c'est-à-dire التفضيل, أو يعتقد أنها مساواة مع حكم الله عز وجل, il prétend qu'elle est égale à la loi d'Allah عز وجل. فهذا هو الذي يعني لا حكم بالطاغوت الذي يخرجه من الإسلام. أما si jamais l'irada c'est يعني le simple fait d'avoir envie تمام de prendre, يعني il suit sa passion quoi, parce qu'il sait que dans Kitab Allah, il ne va pas trouver le jugement qui est favorable à sa passion. Donc si jamais il fait cela, ça c'est une ma'asiyah. À partir du moment qu'il a la conviction et la foi que le kitab d'Allah, c'est le kitab dans lequel on doit juger par la loi d'Allah Azzawajal, il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est une désobéissance, laquelle il suit sa passion comme le fait كثير من المسلمين. فهذا الآن الطاغوت il va prendre son sens qui est large. Pourquoi? Parce qu'on va regarder après quel est le degré de la désobéissance. Si jamais ça fait sens à l'islam, ce sera un aqil min aqil l'islam. Si jamais ce n'est pas le cas, on regarde par rapport à la désobéissance. فلا آية لعامة même حتى في الأخير annonce même que ce qui est voulu ici, c'est l'umum, mais ce n'est pas à tafdil. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit, par dazalaka, قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Et lorsque on les appelle à revenir au kitab à la sunna, رأيت المنافقين قال يصدون عنك صدودا. Ils reviennent pas au kitab à la sunna. قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني il montre bien Allah Azza wa Jal l'intention de ces personnes là. Il y a suivi après. Il dit فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً. C'est des personnes qui ont du nifaq. Mais ce n'est pas un nifaq, il est akbar. Nifaq ou amali. Parmi le nifaq amali, comme on peut voir, ça c'est un exemple qui montre que lorsqu'on avait dit que, comment s'appelle, le nifaq amali, il avait évoqué خَمْسَةُ أَنْوَعَ. Comme on a pu voir, ce n'est pas limité. Parmi les sifats de munafiqin, le fait de ne pas revenir au kitab à la sunna. Lorsque ça ne les arrange pas. Comme c'est le cas ici. فقال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة. Et lorsque il leur touche une musiba, بما قدمت أيديهم, par rapport au péché qu'ils ont fait, ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Ils savent d'où ils ont été frappés et quel est le sebab de cette musiba, par rapport au fait qu'ils sont détournés du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport au fait que ce n'était pas en leur faveur. Donc lorsque cette musiba les a touchés, ils sont revenus vers le prophète alayhi sallatou salam. Ils ont dit, en vérité, ce qu'on a voulu faire, c'est que du ihsan et du tawfiq. On pensait que c'était bon de faire ça. C'est pas un kufran billahi azza wa jalla. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Si jamais ils sont vraiment sincères dans ce qu'ils disent, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Mais si jamais ils mentent, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala le sait? Si jamais ils sont sincères dans ce qu'ils disent, fa inshallah c'est pas du kufr billahi azza wa jal, parce qu'ils n'ont pas recherché après cela de dire que c'est préférable et l'akhiri par rapport à ce qu'on a évoqué. Lakin si jamais en vérité fil haqiqa dans leur cœur, ils ont eu la conviction que ce jugement là il était préférable, qu'il était mieux que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa si ils te mentent par bil lisan, fa Allah subhanahu wa ta'ala il sait ce qu'il y a dans leur cœur. فقال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم قال فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فلهم نصيحة تام دون لهم بن إجتاشيون entre toi et eux تام وقل لهم في أنفسهم أي تسوى على سبيل dans la discrétion donne leur une nasiha, une exhortation afin qu'ils ne reviennent pas, un col baligh, un col qui va toucher, atteindre leur cœur, afin qu'ils ne recommencent pas, afin qu'ils ne recommencent pas. Hada, ça montre que cette œuvre-là, ce n'est pas du nifaq irtiqadi. Et on ne peut pas juger directement que c'est un nifaq irtiqadi. Pourquoi? Parce que cette œuvre-là, c'est une ressemblance avec les munafiqines. Après, est-ce que c'est du nifaq irtiqadi? Il faut regarder ce qu'il y a dans les cœurs. Et ça, on n'a pas la possibilité. Ça revient à Allah Azzawajal. Donc ça veut dire que toute personne qui a un penchement vers une autre loi, à partir du moment que il a la conviction que la loi avec laquelle on doit juger, c'est le kitab et la sunna, et il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est une désobéissance, lakin par hawa, il suit cette passion-là et cette loi-là, celui-là, on ne peut pas juger de la mécréance. Lakin, si jamais c'est son habitude de faire ça, ça se dit nifaq. Du nifaq amali. Parce que ça, c'est sabil al-munafiqin. C'est eux qui se détournent du jugement et qui cherchent d'autres lois échappatoires. C'est-à-dire que là, ça ne fait pas partie des choses qui font sortir de l'islam. C'est pour ça que certains ont dit que cette ayah-là, fil haqiqa, elle ne leur sert pas à ces personnes-là. Parce qu'ils ont oublié de lire la fin. Ils ont pris le premier verset, et en vérité, ce verset-là, il y a une suite. Jusqu'au verset 63. Tout ça, c'est une même chose. Tout ça, c'est une même chose. Comme on a pu voir à la hasad. Lakin cette ayah-là, fil haqiqa, تدل على أنه هذا من النفاق العملي نعم Et comme on a pu le voir, Al-Hakim, Al-Ja'ir, Al-Mughayyir, ça dépend. On a pu évoquer ces halats-là, si tu te rappelles. Quand est-ce que la personne il sort de l'islam, yani, avec un jugement autre que celui d'Allah Azzawajal, on avait évoqué Al-Istihlal, on avait évoqué Al-Juhud, Al-Takdhib, Al-Tafdil, Al-Musawa, wa kazalika, on avait évoqué Al-Tabdil. C'est-à-dire qu'il juge par une autre loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala en prétendant que cette loi c'est la loi d'Allah azawajal comme l'avaient fait les Yahoud avec la lépidation donc si jamais yahkoum il est zalim bidalika il fait ça bistihlal juhud au takdhib tafdil musawa au tabdil fahada c'est du kufr billahi azawajal si jamais il fait cela il y a un ibtiba' al hawa comme yuqal yaqulun al ulama al istibdal il y a un farq entre mubaddilan wa mustabdilan Mubaddilan, c'est celui qui juge par une autre loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala et il prétend que cette loi-là, c'est la loi d'Allah azawajal. Ça, c'est, on appelle ça tabdil, comme ils ont fait les Yahoud avec la lapidation. Plutôt, lorsqu'ils ont caché le ayat de lapidation, ils ont dit celui qui fait zina, on doit lui narcir le visage et le dévoiler auprès des gens. Ils ont dit ça, c'est ce que Allah il a jugé dans la Torah. Donc, ça, c'est un mensonge. Lakin al-mustabdil, c'est celui qui juge par une autre loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sans le faire bistihlal, sans le faire bidjuhud, sans le faire bitakdhib, sans le faire bitafdil, sans le faire bimusawa, wala tabdil. C'est-à-dire que c'est un rasim min al-husa. Il suit sa passion, il sait qu'il est désobéissant et qu'il ne doit pas faire cela. Lakin, il suit sa passion. Qal al-imam ibn al-bar rahimahullah, qal ajma' al-ulama, ala anna al-jawru fil hukm min al-kaba'ir. لمن تعمد ذلك عالما نعم فقال رحمه الله قال اجمع العلماء العلماء sont tous unanimes ان الجور في الحكم ابن عبد البر ابن عبد البر المالكي dans son kitab التمهيد le volume 16 la page 358 فقال ابن عبد البر رحمه الله قال اجمع العلماء العلماء sont tous unanimes ان الجور في الحكم que l'injustice يعني dans les jugements من الكبائر que ça fait partie des كبائر لمن تعمد ذلك عالما به pour celui qui le fait volontairement il sait que c'est une désobéissance donc ça ne fait pas sortir de l'islam في الحقيقة ce passage là comme on a pu voir il évoque ta route et ce n'est pas forcément du coup لكن, vu qu'il y a des choubois c'est pour ça que je me suis un peu étalé sur le sujet قال والثالث قال الذي يحكم بغير ما أنزل الله c'est un peu la même chose الذي يحكم بغير ما أنزل الله والذي يغير لحكم الله عز وجل c'est-à-dire que c'est celui qui invente des lois c'est celui qui invente des lois أما celui-là يعني il juge par une loi qui est autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire qu'il n'invente pas لكن il suit d'autres lois أما celui-là c'est lui qui invente comme celui qui a inventé je ne sais pas c'est qui la démocratie مثلا et ensuite le fait que les gens le suivent dans certaines choses enfin, celui qui a inventé on l'appelle le mughayyir Celui qui a inventé la démocratie, on l'appelle le mughayyir. Et ceux qui le suivent, sans inventer, ça on ne peut pas appeler ça mughayyir. Lakin, c'est un yahkum bi ghayri ma anzala Allah. Il y a une différence entre les deux. Il y a celui qui invente et celui qui suit. Et ça, c'est pareil. On regarde le degré de la désobéissance et de la loi. Mathalan al-intikhabat. Ça fait partie de la démocratie. Le fait de juger par l'intikhabat, ça c'est un hukm bi ghayri ma anzala Allah. Est-ce que ça fait sortir de l'islam ? Là. Le hakim, la plupart des gens, ils appellent à ce genre de moyens pour être élus. Si jamais il sait que c'est une marchia, il sait que c'est une marchia et que c'est pas comme ça qu'on doit être élu, et malgré cela, il le fait, on peut pas lui dire que c'est un mécréant. Même si jamais ça fait partie de la démocratie. C'est pas toute chose qui fait partie de la démocratie que c'est du kofr. Il y a des choses dans la démocratie que c'est des marasi, des kabaer. Comme le fait de juger par l'intikhabat. C'est une kabira min al-kabair. Ou c'est un dhamb. Yani c'est une marsiya. C'est une marsiya. Presque c'est une al-kabair. Je ne sais pas. Wallah alam, pour regarder. Le je ne sais pas ce qu'ils ont dit par rapport à ça. Le muhim, c'est que la yadouz. Tu as pas le droit de juger par rapport à ça. Il y a celui qui yahkum et celui qui ghayir. Donc là, peut-être la personne peut se dire, yani, c'est quoi la différence entre le deuxième et le troisième point? Le deuxième point, c'est celui qui invente et le troisième, c'est celui qui suit. قال والدليل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهذه الآية Kadalika, c'est une ayah qu'ils ont pris. Hawla al-Khawarij. Et fait le Hakika, c'est une ayah qui est contre eux. Et la parole qui refute yani, pleinement cet argument-là, la parole de l'imam Ibn Hazm. L'imam Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, dans son kitab, Al-Fisal fi al-Milal, le Mujallad al-Thalith, troisième volume, la page 278. فقال رحمه الله تعالى قال فليلزم المعتزلة أن يصرح بكفر كل عاص وظالم وفاسق لأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل الله. Il a dit l'imam Ibn Hazm رحمه الله تعالى en réfutation معتزلة. فهؤلاء المعتزلة ils sont un peu comme الخوارج. Ils se rejoignent dans ce même point là de faire sortir les musulmans de l'islam avec des choses qui ne font pas partie de نواقض المعتزلة. فإلا فان رد sur eux. Parce qu'ils ont pris les trois ayats. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الْفَاسِقُونَ plutôt الظَّالِمُونَ الْفَاسِقُونَ. Enfin, il a dit, si jamais c'est le cas, vous devez juger donc de la mécréance de toute personne qui est rassie, de toute personne qui est zalim, et de toute personne qui est fasiq. Pourquoi? Parce que il a dit, toute personne qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala a certainement pas jugé par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui porte le pantalon n'a pas jugé par la loi d'Allah Azzawajal. Celui qui rase la barbe n'a pas jugé par la loi d'Allah Azzawajal. Celle qui marche les cheveux à l'air sans mettre le hijab, elle n'a pas jugé sur elle-même par la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposée. Donc ça voudrait dire que toutes ces personnes-là en enfer. Et ça c'est un qawl qui est batil. C'est un qawl qui est batil. Donc l'ayah elle est amma. Comme a dit Ibn Abbas, kufrun duna kufr. Une mécréance sans lettre. قال رحمه الله تعالى ورضي الله عنه قال إذا فعل ذلك فهو به كفر ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. فإذا هم pas un صحابي dans ce qu'il raconte. هؤلاء. Et nous, معروف يعني lorsqu'on comprend, veut comprendre le kitab et la sunna, les premières personnes vers lesquelles on revient, comme si on ne trouve pas un dalil mais le kitab et la sunna, on revient aux صحابة. Et قال الإمام Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, là, siyama, notamment, on doit revenir, lorsque c'est des affaires du Coran, par rapport aux ayahs, par rapport au tafsir, on revient vers Ahl Mekka. Pourquoi? Parce que Ahl Mekka, c'était les gens qui avaient la meilleure compréhension du tanzil et du tafsir. Parce que la plupart de ces personnes-là ont pris la science de qui? D'Ibn Abbas. Ibn Abbas, ma'ruf, c'était le. Après Ibn Mas'ud, c'était lui le. Qui avait une science yani, élargie dans le tafsir. Fa Nabi Sam da'a lahu fa qala Allahumma faqqihhu fi din wa 'allimhu ta'wil. Nabi Sam il a fait une dua pour lui pour qu'il devienne un faqih yani, dans le din et dans le tafsir. Fa qala rahimahullah ta'ala Sheikh al-Islam qala idha lam najid at-tafsir fi al-Qur'an wa sunnah raja'na ila qawl as-sahaba wa minhum al-hadr al-bahr bi ma'na Ibn Abbas. Wa qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala qala fa inna a'lam an-nas به أي بالقرآن أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس. Les gens qui avaient la meilleure compréhension du tafsir, ce sont أهل مكة. Pourquoi? Parce que c'était les compagnons de Ibn Abbas. Il a dit ça dans le volume 13 de مجموع الفتاوى, page 347 et page 413. نعم. Et par rapport à la parole de Ibn Abbas, il a dit Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى قال هذا قول أئمة السنة يعني كفر دون كفر dans l'aya. ظلم دون ظلم فسق دون فسق الذي هذا قال أقوال أئمة السنة سلبغان ده أئمة من السنة وقال ابن قير رحمه الله تعالى قال هذا قول عامة الصحابة سلبغان majoritaire des الصحابة dans مدارج السالكين le premier volume ou bien le dixième volume soit le premier soit le dixième ce qui est un point je ne sais pas si jamais il s'est incrusté ou pas soit dans le premier soit dans le dixième volume la page 345. المهم هذه الآية العامة كما يذكر ابن حزم رحمه الله تعالى ف c'est pas toute personne يعني qui juge par une autre loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sort de l'islam. On a pu évoquer يعني les situations dans lesquelles il sort de l'islam. À partir du moment qu'il a la conviction qu'il doit juger par le kitab d'Allah et que c'est un rasi, il sort pas de l'islam, excepté si jamais ce qu'il a fait, tamam, excepté ce qu'il a fait, ça le fait sortir de l'islam comme on a pu voir. Il peut sortir de l'islam même si jamais il a la conviction et la foi qu'on doit juger par le kitab d'Allah et Azzawajal et que toutes les lois en dehors d'Allah Azzawajal sont en dehors de celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si jamais il juge yani, par une chose qui le fait sortir de l'islam, ou il fait une chose qui le fait sortir de l'islam, c'est un kafir. Naam. Même si jamais il dit j'ai une bonne intention. Qala rahimahullah ta'ala qala wa al-rabi'a alladhi yad'i 'ilm al-ghayb. Mindunillahi azawajal. La personne qui prétend connaître l'invisible, connaître l'avenir. Fa yadkhul fi dhalika al-kushan. Je pense qu'on va devoir, 9h. On va devoir arrêter. Ouais. Vas-y, pas de problème.